Je voudrais attaquer le problème du phénomène d'identité chez l'homme. Je vais parler d'une façon plutôt calme pour essayer de développer ce phénomène-là d'une façon suffisamment profonde, simple, pour que les gens puissent le comprendre selon les variétés de personnalité. Le phénomène d'identité existe pour tous les hommes de la Terre. C'est un phénomène d'involution. C'est un phénomène qui empêche l'homme d'être heureux. C'est un phénomène qui empêche l'homme d'être bien dans sa peau. C'est un phénomène qui sépare l'homme de lui-même. C'est un phénomène qui provient du fait que l'homme vit en société et que il ne vit pas dans son intelligence, autrement dit dans l'intelligence créative, mais vit dans une couche d'intelligence qui résulte de l'infection permanente due au fait que les hommes sont inconscients et projettent sur d'autres hommes, avec bonne ou mauvaise volonté, des idées qui ne sont pas réelles, mais qui sont les leurs, des idées qui sont fondées sur le système sensoriel. Le problème d'identité, dans le fond, c'est un problème de sensorialité, c'est un problème d'astralité chez l'homme. C'est un problème qui résulte du fait que l'homme puise dans le monde matériel des facteurs de connaissance qui deviennent pour lui, avec le temps, des facteurs de vérité. Et ces facteurs de vérité-là ne seront jamais totalement complets, parce que la vérité est toujours incomplète. Et les hommes fondent leur perception d'eux-mêmes sur ces facteurs-là et s'empêchent de vivre leur vie autrement. Selon le mode de société, selon la structure sociale, selon que la société est simple, agraire ou très technique, comme la nôtre, le problème d'identité varie. Dans la société tribale, dans la société agraire, le problème d'identité est résolu par une conscience collective que l'on retrouve dans les tribus, par exemple. Mais dans la société complexe, moderne, où la technologie et les structures sociales imposent sur l'individu un poids constant, un poids permanent, où l'individu est forcé de dominer sa nature psychologique en lui imposant un statut social quelconque, il se développe une gamme de différenciation entre tous les hommes qui fait que celui qui est au bas de l'échelle souffre de celui qui est un petit peu plus haut que lui, et celui qui est un petit peu plus haut que lui souffre de celui qui est un petit peu plus haut que lui, de sorte que le problème d'identité demeure chez l'homme à tous les niveaux de l'échelle sociale, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il ait le pouvoir politique ou le pouvoir financier. Celui qui est très riche voudra être plus riche que l'autre qui est riche, son voisin. Celui qui a le pouvoir politique voudra avoir autant de pouvoir que l'autre, ainsi de suite. Sur le plan de l'homme, sur le plan simple de la vie de tous les jours, le problème d'identité existe et il mine la réalité psychologique de l'individu et force l'individu constamment à astraliser, c'est-à-dire à émotiver sa relation avec les hommes en se servant d'un mécanisme qui est très très mauvais, le mécanisme de comparaison. J'ai déjà expliqué que c'est très mauvais pour un homme de se comparer à un autre homme. Parce que lorsqu'un homme se compare à un autre homme, il s'imagine que l'autre homme a plus que lui. Et lorsqu'un homme s'imagine qu'un autre homme a plus que lui, automatiquement, il dévalorise ce qu'il possède et il ne peut pas faire croître ce qu'il possède, même si ce qu'il possède est en quantité minime comparé avec ce qu'il pense de l'autre. Le problème d'identité, qui est un problème universel qui fait partie de la jeunesse de l'humanité, va s'éclipser lorsque l'humanité va entrer dans la phase de maturité, parce que l'humanité, lorsqu'elle entrera dans la phase de maturité, se servira de son intelligence. L'homme se servira de son intelligence réelle. L'homme sera dans son intelligence réelle, autrement dit dans l'intelligence créative, l'intelligence universelle, l'intelligence cosmique, appelez ça comme vous voulez. Et l'homme, au lieu d'interpréter la nature de sa personnalité sont selon un mode de perception purement sensoriel, n'interprétera pas sa personnalité ou la nature de sa personnalité, mais la vivra. Et en la vivant, automatiquement ouvrira les valves en lui qui permettront qu'avec le temps, que sa personnalité vienne au service de l'esprit au lieu d'être au service de l'ego. Lorsque la personnalité de l'homme est au service de l'esprit, à ce moment-là, l'homme n'a plus besoin de s'inquiéter de la valeur de sa personnalité parce qu'à ce moment-là, l'homme est limité par la grandeur de l'esprit. Et lorsque l'homme est limité par la grandeur de l'esprit, il y va de soi que son intelligence est illimitée en soi, mais limitée en fonction, c'est-à-dire limitée en détermination sur le plan matériel, limitée en détermination en ce qui concerne sa capacité d'être créatif. Tandis que l'homme qui est inconscient, qui vit au niveau du phénomène de l'identité, qui souffre de l'identité, veut toujours dominer par son intelligence et veut toujours que son intelligence soit à la hauteur de ce qu'il croit pouvoir ou devoir être. Mais il ne réalise pas que l'identité qu'il possède, dont l'intelligence est une manifestation, fait partie de son ignorance, fait partie déjà du manque de communication entre le mental inférieur et le mental supérieur, fait partie du manque de connexion entre l'homme planétaire et l'homme cosmique, fait partie de l'absence d'un canal. Lorsque l'ego est canal, l'intelligence descend et elle arrose où elle veut le terrain d'expérience de cet homme-là. Et à ce moment-là, l'homme n'a pas de problème d'identité. Le problème d'identité est faussement interprété, surtout dans notre société moderne, par le fait que dans notre société moderne, le problème d'identité est inversement proportionnel à la relation probable qui existe entre un homme et un autre homme. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'un homme rencontre un autre homme, selon les formes qu'il perçoit de cet homme-là, un homme par exemple qui a de l'argent, ou un homme qui a une belle maison, ou un homme qui a une belle femme, ou un homme qui a une belle job, un homme qui rencontre un autre homme, à cause de ses sens, va automatiquement projeter sur le mur de son être une valeur inscrite au nom de cet homme-là, mais une valeur qui n'est pas réelle. Une valeur dont lui ne connaît pas réellement, mais une valeur dont lui s'approprie pour mesurer l'état d'être de cet homme-là, afin de s'assurer un point de référence en relation avec lui. C'est pour ça que souvent on va voir des gens qui, par exemple, dans les banlieues où il y a une certaine richesse, comme à Ville-Mont-Royal, les gens vont aller vivre à Ville-Mont-Royal, parce qu'à Ville-Mont-Royal, les gens qui vivent là sont des gens bien, des gens riches. Pas nécessairement des gens bien, mais des gens riches. Et alors, s'il y a des gens riches qui vivent autour de soi, mais effectivement, nous avons la chance d'être interprétés socialement comme étant riches. Alors, le problème d'identité, quand même, demeure chez ces individus-là, même beaucoup plus souvent que l'on peut s'imaginer. Tant qu'un homme n'a pas réalisé que le regard qu'il a pour lui-même est un regard qui est faussé par l'émotivité qui résulte de sa comparaison avec les autres hommes, il ne peut pas être heureux avec lui-même, quel que soit le remède qu'il prend pour être heureux. Parce que le problème d'identité n'existe pas seulement sur le plan matériel. Le problème d'identité existe aussi sur le plan spirituel. Il y a des gens qui se pensent plus spirituels que les autres, qui se pensent plus évolués que les autres ou qui veulent évoluer plus que les autres. Il y a toujours des saints qui sont plus saints que les autres. Et ça aussi, ça fait partie du phénomène d'identité. Et tout ceci, le phénomène d'identité, est toujours rattaché à la conscience astrale de l'homme. Moi, je définis la conscience astrale de l'homme comme cette partie de l'homme qui fait de lui un être à la fois animal et à la fois menteur, parce que il a besoin de la partie animale pour engendrer sur le plan matériel suffisamment de vibrations pour le tenir dans la matière, ce qui est le but du corps astral, et à la fois menteur pour lui permettre de suivre la courbe de l'évolution. Si l'homme n'était pas à la fois menteur et à la fois animal, il ne pourrait pas être sur le plan matériel. Alors, il doit être à la fois menteur et animal pour pouvoir être sur le plan matériel et aussi poursuivre la courbe de l'évolution qui nécessite que le corps astral se développe et qui nécessite aussi que le corps mental inférieur se développe par le biais du corps astral qui sert de télescope sur la matière pour donner au sens une valeur de la matérialité. C'est par le corps astral que l'on sent. Mais lorsque l'homme se conscientise et qu'il commence à transmuter le corps astral pour construire un corps nouveau, le corps mental supérieur, à ce moment-là, le phénomène d'identité commence à disparaître parce que les valeurs qu'il se donnait auparavant par le biais de son corps astral commencent à diminuer. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être intéressé à la vie de la même façon qu'il était avant parce que astralement, il change. Alors, astralement, il change sur le plan matériel et aussi astralement, il change sur le plan spirituel. Autant la matière est une drogue pour l'ego, autant la spiritualité est une drogue pour l'esprit. Et le phénomène d'identité existe dans les deux cas. Et c'est lorsque l'homme se conscientise suffisamment et qu'il commence à fonctionner au niveau du corps mental supérieur, qu'il s'aperçoit que dans le corps mental supérieur, il y a simplement un centre de perception. Et ce centre de perception, c'est l'intelligence universelle dans l'homme, qui devient de plus en plus précise au fur et à mesure que ce corps-là se développe. Et au fur et à mesure qu'elle devient précise, qu'elle se précise, cette intelligence, automatiquement le phénomène d'identité, c'est-à-dire le phénomène de coloration de l'ego, se transforme. De sorte qu'éventuellement, l'homme ne sent plus le problème d'identité parce qu'il n'a plus à s'identifier. Le problème d'identité fait partie du fait, du mécanisme qu'on a besoin de s'identifier aux autres ou à la société, mais prenons pour le moment les autres, pour se donner une valeur. Si vous prenez deux billes, il faut que vous ayez un point de référence pour savoir où chaque bille se trouve par rapport à elle-même. Alors, vous mettez un bâton et vous avez une bille, puis à ce moment-là, la bille est à telle distance de l'autre, à cause du bâton. Mais si les deux billes sont en relation les unes aux autres, sans qu'il y ait un troisième point, à ce moment-là, les billes vont chercher à... ne pourront pas s'identifier, ne pourront pas se trouver une valeur. Et le poteau dans la société, c'est la valeur sociale grimpante, et les billes sont les deux individus. Et la valeur sociale grimpante, c'est la valeur historique, la valeur contemporaine que donne, qu'institue la société, et qui devient le point de référence pour tous les égaux, autrement dit, pour toutes les billes. S'il n'y avait pas de société, à ce moment-là, les deux billes ne chercheraient pas à se comparer parce qu'ils n'auraient pas de point de référence universel. Mais l'homme vit dans une société et ne peut pas ne pas vivre dans une société. Et l'homme pense et l'homme a des émotions et automatiquement, à cause du fait qu'il pense et à cause du fait qu'il pense qu'il pense et à cause du fait qu'il a des émotions, il est forcé de se trouver un point de référence, un poteau. Et ce point de référence lui est gratuitement fourni par la société. Et lorsqu'il a ce point de référence, il est automatiquement forcé de voir sa relation avec l'autre pays dans une autre lumière, c'est-à-dire dans une lumière comparative. Et c'est là que fait l'homme l'erreur. Mais pourquoi il fait l'erreur? Parce que justement, il n'est pas dans son intelligence. Si l'homme était dans son intelligence et qu'il n'avait pas besoin de penser pour se savoir, s'il n'avait pas besoin de penser pour savoir l'autre, s'il n'avait pas besoin de penser pour savoir simplement, il n'aurait pas à faire cette recherche. Ce point de référence, et il se suffirait à lui-même parce qu'il saurait que l'intelligence est infinie et elle se manifeste en lui selon sa capacité de l'absorber, et il vivrait de cette intelligence. Autrement dit, un verre d'eau qui est plein est aussi plein qu'un autre verre d'eau qui est plus petit. Et l'homme doit réaliser ceci, c'est que si son verre d'eau est plein et que l'autre verre d'eau est plus grand, mais il est plein, ils sont tous les deux pleins. Mais dans la société humaine, au niveau de l'identité, c'est pas ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Le type va dire, ben moi j'étais un petit verre d'eau, puis lui c'est un gros verre d'eau. Puis il s'imagine que le gros verre d'eau contient plus de potentiel que le petit verre d'eau, puis c'est pas vrai. Parce que le potentiel du verre d'eau c'est d'être plein, et le potentiel du petit verre d'eau c'est d'être plein. De là vient le problème d'identité. Et le problème d'identité, c'est une maladie. Si ça va très, très, très loin, le problème d'identité, ça peut devenir une crise de folie, ça peut être une dégringolade au niveau du corps astral. Ça peut mener à la folie, ça peut mener à Saint-Jean du bon Dieu. Autrement dit, ça retarde l'évolution de l'homme. Le problème d'identité sur le plan matériel, on le connaît suffisamment dans le sens qu'on l'a tous vécu. Mais le problème d'identité sur le plan spirituel n'a pas été attaqué encore. Personne n'a osé encore parler de spiritualité parce que la spiritualité, ça appartient au bon Dieu. Tu ne peux pas attaquer ce qui appartient au bon Dieu. Tu attaques seulement ce qui appartient aux âmes. Alors, à un certain moment, il faut que le bon Dieu tombe sur la terre. Puis le bon Dieu est là, là. Fait qu'on va l'attaquer. Le problème de spiritualité. Parce qu'il faut qu'il soit attaqué, le problème de spiritualité. Autrement dit, il faut que l'intelligence descende sur le plan matériel et éclabousse. Dans le domaine de l'identité spirituelle, un homme a deux choix. Soit qu'il évolue spirituellement pour être grand spirituellement, ou il évolue spirituellement pour en sortir. Un homme qui évolue spirituellement pour être grand spirituellement ne sortira jamais de sa spiritualité et souffrira toujours de l'identité spirituelle parce que l'identité spirituelle sur le plan spirituel est la même que sur le plan matériel. Elle est infinie tant que l'on n'a pas compris l'illusion de l'identité spirituelle. Un homme qui réussit à sortir de l'identité spirituelle à ce moment-là entre dans l'intelligence, dans son intelligence, ce qui est l'intelligence universelle. Et à ce moment-là, peut facilement côtoyer tous les hommes sans qu'il y ait entre lui et les autres hommes de valeur comparative. De sorte que les hommes qu'il côtoie deviennent automatiquement ses amis. Pas ses frères. Faites attention, c'est dangereux, frère. Parce qu'aussitôt qu'un homme devient ton frère, vous êtes lié à lui spirituellement. Ça va loin l'affaire des frères. Tout le monde veut être frère. Frère en Jésus-Christ, frère en ci, frère en ça. Quand l'homme sera frère, il n'aura pas besoin de s'appeler frère. Mais tant que l'homme a besoin de s'appeler frère, faites attention. Il y a une dette à payer, puis sa spiritualité. Et dans le monde où l'on vit, dans le monde où il y a de plus en plus de spiritualité, il y a de plus en plus de tendance à devenir des frères. Les musulmans noirs, c'est des frères. Les francs-maçons, c'est des frères. Les sociétés secrètes, c'est des frères. Les sociétés ésotériques secrètes, c'est des frères. Mais quelle fraternité? Fraternité entre eux autres. Mais c'est pas une fraternité universelle. Fraternité, du moment que tu t'appartiens à mon clan, là, on est des frères. Mais si tu appartiens au clan de l'autre, on n'est pas des frères. Pourquoi? Parce que on ne vit pas la même spiritualité. Puis effectivement, les hommes ne peuvent pas vivre la même spiritualité parce qu'il y a autant de différentes spiritualités qu'il y a de différents statuts sociaux. Les roses quoi, c'est une spiritualité. Les francs-maçons, c'est une autre spiritualité. Il y a d'autres spiritualités dans le monde. Il y en a des milliers de sortes de spiritualités. Alors, si tu appartiens à ma spiritualité, ça marche, mais si tu n'appartiens pas, débarque. Tu es ta frère quand ça marchait, mais c'est toi que tu es débarqué. Tu es plus frère. Fait que dans le mot frère, il y a beaucoup de frères. Mais quand on commence à être intelligent et qu'on commence à comprendre l'illusion de la spiritualité, à ce moment-là, on s'aperçoit que les hommes sont nos amis. Un peu comme les animaux sont nos amis. On n'est pas gêné de dire que le chien, c'est un ami de l'homme. Parce qu'il est suffisamment intelligent pour acheter ton journal à la porte. C'est la même chose au niveau des hommes. Quand les hommes seront conscients, ils s'apercevront qu'il y a beaucoup d'hommes sur la Terre qui sont leurs amis. Puis le temps est venu pour détruire la fondation psychologique, spirituelle du mot frère. Parce que le mot frère implique automatiquement une clandestinité dans une idée, dans une idéologie spirituelle qui fait notre affaire au niveau de notre personnalité. Là, mon frère divise les âmes. C'est pas son but, remarquez bien. Au contraire, son but, c'est de les unifier. Mais si vous regardez le cours de l'histoire, vous verrez que là où le mon frère a été mentionné, il a créé une séparation avec les autres âmes. Moi, si je suis noir, puis un autre noir, on est des brothers. Mais si t'es blanc, you're not my brother. C'est le même phénomène. Ku Klux Klan, c'est la même chose, c'est tous des frères. Mais essaie de rentrer là, tu vois que c'est tough. Alors là, mon frère contient une ambivalence psychologique et contient une astralité spirituelle très puissante d'ailleurs, qui est une des, qui est un des grands paramètres de l'évolution spirituelle, du spiritualisme ésotérique, du spiritualisme exotérique et du spiritualisme occulte. Et si vous faites l'exploration de ce phénomène du mot frère, parce qu'on emploie des mots, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'en connaît pas les limitations, comme le bon Dieu, on ne connaît pas les limitations. On ne connaît pas les mots, on ne connaît pas les lois des mots, on ne connaît pas l'astral dans les mots, on ne voit pas la vibration émotive dans les mots, et comme on ne voit pas la vibration émotive dans les mots, on se sert des mots pour engendrer des mouvements dans le monde qui servent au niveau collectif, mais qui, sur le plan individuel, ne servent plus. Parce que l'homme n'a pas besoin de frères pour vivre sur la terre. Il a besoin d'êtres qui sont dans la même intelligence que lui, autrement dit, des amis, autrement dit, des êtres qui ne peuvent pas être dominés par la forme émotive spirituelle du mot frère. S'il y en a un parmi vous qui vient de voir un jour et me dit on est des frères, vous êtes mieux d'être bien sûr dans votre affaire. Vous êtes mieux d'être bien sûr dans votre affaire. Parce que si vous venez me voir et vous me dites maintenant on est des frères, je vais vous mettre sur le spot. Si vous me dites on est des chums, ah, là c'est parent, là ça marche, c'est plus facile. Quand on sera dans les terres, on sera des frères. Là, ça sera une autre dimension dans les terres. Là, c'est un autre pire de manche. Tu n'as pas de choix. Tu es obligé d'être un frère parce que tu es tout seul. Dans les terres, les gens sont universellement dans la même lumière. Or, automatiquement, tu es une fraternité. Mais la fraternité, sur le plan matériel, jamais une rame. C'est impossible. Parce que la fraternité, sur le plan matériel, divise. Comme toutes les valeurs de l'homme, sur le plan matériel, divise. Et on s'aperçoit, au fur et à mesure qu'on rentre dans le supplémentaire, on s'aperçoit que tous les mots qu'on considérait avant comme étant des mots de haute valeur, de haute interprétation, que tous les mots cachent quelque chose qui est violable par l'intelligence. Tous les mots sont violables, c'est-à-dire que la forme des mots peut être détruite par l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est absolu, ça passe, pouf! Parce que si l'intelligence veut faire sauter un mot, elle fait sauter. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nos petites émotions, notre petite spiritualité, notre petite fraternité, elle tombe à l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'homme s'individualise. Et le temps est venu pour que les hommes sortent de l'idéologie spirituelle, ou ésotérique ou occulte, de la fraternité, pour entrer dans la réalisation intelligente que lorsque l'homme devient homme, lorsque l'homme transmute son astral vers le mental, ou lorsqu'il l'astral est transmuté en mental par les forces de l'âme, automatiquement, il se forme sur la terre une fraternité. Mais ce n'est pas l'homme qui la forme. L'homme ne peut rien faire par lui-même. L'homme fait quand il est conscient. Mais par lui-même, il ne fait rien. Parce que l'intelligence passe dans l'homme. Et c'est important que les gens aujourd'hui commencent à comprendre que le mot frère crée, que quand je parle de mot frère, là, je l'emploie graphiquement, là, mais que le mot frère crée automatiquement une crise d'identité dans l'homme. Parce que le mot frère invite l'homme à cette fraternité. Et comme cette fraternité est inconsciente, parce qu'elle n'est pas universelle, et quand je dis universelle, je veux dire parfaite. Comme cette fraternité n'est pas parfaite, parce que l'homme est encore et entre le mental et le supramental, autrement dit ce que j'appelle le surmental, ce que vous êtes vous d'autres présentement, le surmental, vous allez vers le supramental. Et comme l'homme n'est pas dans le supramental, automatiquement, cette fraternité universelle, ce mot frère, invoque chez vous la nécessité de développer une identité avec ce mot. Alors, si vous appartenez à une fraternité, vous vous sentez bien, parce que vous êtes dans le même mouvement d'énergie. Mais un jour, vous devrez être dans votre propre énergie à vous-même. Pas dans l'énergie d'une fraternité. mais dans l'énergie de vous-même. Et lorsque vous serez dans l'énergie de vous-même, il y aura une autre fraternité lorsque vous serez amené à passer les murs de la matière. À ce moment-là, les hommes seront dans la fraternité de la lumière. Les hommes seront les fils de la lumière. Où il n'y a pas de catégorisation parce que ces hommes formeront une société monolithique. Mais tant qu'on vit sur le plan matériel, il ne faut pas se leurrer. Le problème d'identité, c'est un problème qui est très profond. Le problème d'identité, c'est un problème qui est lié à la racine même du facteur existentiel dans la vie de l'homme. Parce que l'homme ne vit pas, il existe. Et le facteur d'identité qui l'aide à exister, c'est celui qui lui permet d'être le plus en harmonie possible avec l'autre ego. Mais c'est dangereux. Si un homme attend d'être en harmonie avec l'autre ego, ou si l'homme attend d'être en harmonie avec ce que la société projette, qu'il soit, il se crée automatiquement un conformiste et l'homme ne peut pas se conformer à rien puisque l'homme, s'il va vers le supramental, devient de plus en plus lumière. Et s'il devient lumière, l'homme, il n'a besoin d'aucun point de référence autre que lui-même. Et si ce lui-même grandit dans cette lumière automatiquement, le point de référence disparaît de plus en plus, de sorte qu'à un certain moment, l'homme n'a plus de problèmes d'identité. Il est totalement bien dans sa peau. Ce que je reproche à la spiritualité sur la Terre, c'est de ne pas avoir, d'ailleurs elle ne peut pas, parce qu'elle est déjà spirituelle, mais c'est de ne pas avoir éclairé l'homme par le biais du mental. Elle a éclairé l'homme par le biais de l'astral. Elle a éclairé l'homme par le biais de l'émotion, au lieu d'éclairer l'homme par le biais de l'intelligence. Si la spiritualité avait éclairé l'homme par le biais de l'intelligence, automatiquement aujourd'hui, l'homme serait grand, l'homme serait conscient, l'homme serait dans le supramental. Et le fait que la spiritualité sur la terre entière, de par les religions, de par les organisations, les organismes philosophiques, ait éclairé l'homme par le biais de la spiritualité, par le biais de l'émotion, a créé dans l'humanité une angoisse spirituelle très profonde, angoisse que l'homme, que l'individu, qui n'est pas encore dans le supramental, qui n'est pas encore suffisamment dans sa propre intelligence, vit et dont il souffre. Et c'est ce qui fait que des gens par milliers accourent pour trouver une réponse à leur question. Pourquoi? Parce que ils sont encore dans le sein de leur crise spirituelle d'identité. Lorsque l'homme est en dehors de cette identité, de ce phénomène d'identité, qui n'a pas de crise matérielle, psychologique ou de crise spirituelle d'identité, à ce moment-là, l'homme ne court pas nulle part. Courir vers qui? Il se connaît, il se sent, il se sait, il sait qu'il sait. Quand un homme commence à savoir qu'il sait, même s'il sait un petit peu, c'est déjà quelque chose. À ce moment-là, l'identité, le phénomène d'identité commence à s'estomper et l'homme commence finalement à respirer l'air libre qui est son propre air. Le problème d'identité affecte l'homme sur le plan de sexualité. À une échelle qui bouleverserait beaucoup de gens, les gens ont beaucoup plus de problèmes sexuels ou psychosexuels qu'ils s'imaginent. Pourquoi? D'abord parce qu'ils ne connaissent pas les lois de la sexualité, parce qu'ils ne réalisent pas que l'homme, dans le fond, est un arbre sur lequel il y a des nœuds et l'énergie passe par ces nœuds. Elle passe, autant l'énergie va des plans supérieurs, autant elle descend. C'est le biais, c'est le mouvement de l'énergie. Mais l'homme entre dans cette situation de vie étant inconscient des lois de l'énergie, interprète sa sexualité et effectivement, éventuellement, se crée des problèmes psychologiques qui deviennent des problèmes d'identité sexuelle. L'homme vit dans la vie une crise d'identité constante. Et regardez vos vies personnelles et vous verrez que, d'accord, je dois admettre qu'il y en a qui commencent à en sortir là, de cette affaire d'identité-là. Mais retournez un petit peu en arrière, vous allez voir que votre vie était une crise d'identité. Mais pourquoi? Parce que vous croyez tout le monde. C'est ça. Vous croyez tout le monde. Vous avez cru tout le monde pendant des années de temps. Vous avez écouté tout le monde pendant des années de temps. Vous avez écouté les autorités pendant des années de temps. Mais vous n'êtes jamais écouté vous-même. Fait que si tu ne t'écoutes pas, éventuellement, c'est une crise d'identité. La Fontaine avait raison. Avec son histoire du petit père qui se promène avec un âne puis l'enfant. Une fois, il y a quelqu'un qui passe. Le père est sur l'âne, il se fait critiquer. Ensuite, l'enfant est sur l'âne, il se fait critiquer. Mais ensuite, les deux marchent, puis l'âne marche seul, puis il se fait critiquer. C'est très juste. L'homme ne peut pas se permettre. L'homme peut se permettre d'écouter l'homme. L'homme peut se permettre d'entendre l'homme. Mais l'homme ne peut pas se permettre de se faire changer en esprit par l'homme. Mais pour que l'homme réussisse à sortir de ce marais qui est la crise d'identité, il faut qu'il sache certaines choses. Et la chose qu'il doit connaître, c'est qu'il est intelligent. Que son intelligence soit ajustée, soit pas ajustée, ça marche. Mais que l'homme ait en lui de l'intelligence, qu'il y ait des bribes d'intelligence, et qu'une fois qu'on lui a suffisamment brassé le cerveau pour qu'il le réalise, qu'il a en lui de l'intelligence, à ce moment-là, il en sort de sa crise d'identité. Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des riches? Il y a 5 raisons. Il y a des pauvres sur la terre pour des raisons karmiques et des riches. Il y a des pauvres sur la terre et des riches pour des raisons purement circonstancielles qui font partie des événements de la vie de l'individu, des souffrances de vie. Mais les événements circonstanciels existent pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'homme. C'est évident que si l'homme vivait de l'intelligence, de son intelligence et de sa volonté, il serait vraiment pauvre. Parce que l'intelligence et la volonté universelle, c'est une force créative. Comment tu vas être pauvre quand tu as de l'énergie créative? Tu ne peux pas être pauvre. C'est impossible. Oui, tu voudrais pas. Et la troisième raison pour laquelle il y a de la richesse et de la pauvreté sur la Terre, c'est que sur la Terre, il y a énormément d'angoisse. Le riche, pourquoi il devient riche? Parce qu'il y a l'angoisse. Le pauvre, pourquoi il est pauvre? Parce qu'il souffre d'angoisse. Le pauvre, il souffre d'angoisse, ça tue son énergie créative. Vous savez, quand vous avez des dettes et des problèmes, ça ne marche pas ici. Alors, le pauvre, il souffre d'angoisse. Il ne peut pas créer. Parce qu'il est astral. Le riche, il souffre d'angoisse. Mais il peut créer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il brûle son angoisse. Parce que déjà, le riche, avant qu'il accumule beaucoup de capitaux, était dans une situation d'aise. Sans ça, il aurait été pauvre. Soit qu'il a hérité de son père ou les grandes familles. Mais à un certain moment, l'angoisse vient. Parce que l'angoisse, elle vient toujours. L'angoisse, dans le fond, c'est quoi? C'est l'interférence de l'âme par le biais du corps astral pour avertir l'ego que c'est assez. Mais l'ego, il continue pareil. C'est pas d'être riche. Mais c'est pas le fait d'être pauvre. Seulement quand t'es pauvre, tu peux rien faire. Quand t'es riche, tu peux faire quelque chose. Tu deviens plus riche. Alors, le pauvre et le riche souffrent d'angoisse. Et le pauvre et le riche souffrent d'identité. Mais l'identité du pauvre, elle est différente de l'identité du riche, parce que le pauvre, dans son identité, voit sa petitesse. L'identité du riche lui permet de voir sa grandeur, qui est fausse. Parce qu'elle n'est pas réelle. Mais l'homme qui se conscientise, l'homme qui entre dans son intelligence, dans l'intelligence universelle, dans la volonté universelle. Je ne parlerai même pas d'amour universel parce qu'il y a trop de monde qui bloque ça encore. Mais l'homme qui vit dans l'intelligence et de la volonté, qui devient centrique, pas égocentrique, est totalement indifférent aux pauvres et aux riches. Il est indifférent aux pauvres et aux riches parce qu'il connaît les lois du pauvre et du riche. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aider le pauvre puis qu'il ne va pas aller manger chez le riche. Ça veut dire qu'il est devenu indifférent aux pauvres et aux riches au niveau de la crise d'identité. Parce que la charité, toute émotion crée une crainte. Il n'y a pas une émotion qui ne crée pas une crainte. Si vous faites pas charité, la charité c'est une émotion qui crée une crainte. La crainte de l'émotion de charité, c'est que si tu ne fais pas charité, tu ne te croiras pas généreux. Tu vas avoir la crainte de ne pas être généreux. Prenez n'importe quelle émotion. Et vous verrez qu'il y a une crainte au bout de l'émotion. Toute émotion crée une crainte. Le concept du bon Dieu est une émotion, contient une émotion spirituelle qui crée une crainte. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, les témoins de Jéhovah, c'est un exemple, qui ont peur de parler au ciel. Mais si tu as peur de parler au ciel, c'est évident que tu n'iras pas. Ou si tu as peur de parler au ciel, tu vas aller au ciel, mais tu n'iras pas au paradis terrestre, autrement dit, tu n'iras pas à l'éther. Les autres veulent aller au ciel, ils vont y aller. C'est l'astral, ici. Alors, si toute émotion crée une crainte, imaginez-vous que tous les mots créent une émotion. Ensuite, demandez-vous pourquoi l'homme souffre d'identité. Toute émotion crée une crainte et tous les mots contiennent de l'émotion. 2 plus 2, ça fait quoi? Ça fait 4. Le problème d'identité sur la planète Terre, c'est un problème universel, c'est un problème mondial, c'est un problème individuel. Terrible. Parce qu'il fait partie de l'évolution. Le problème d'identité sera détruit dans l'évolution parce que les hommes seront une fois, enfin, dans l'intelligence, dans leur intelligence. Pas dans l'intelligence du voisin, dans leur intelligence. Qui coïncidera avec l'intelligence du voisin? Si voisin il y a dans ce temps-là. Dès que l'homme sent en lui de la petitesse, dès que l'homme sent en lui un manque d'amélioration, dès que l'homme sent en lui une incapacité d'atteindre son sommet, il vit une crise d'identité. Quand vous dormez, vous n'avez pas de crise d'identité, ça marche vos affaires? Elle m'a donné un exemple de crise d'identité, ça va loin. Mon père de famille, il a 5 enfants, il a sa femme, il l'aime bien. D'un coup, il se couche un soir, puis il rêve, puis il fait l'amour avec sa belle-sœur. Le lendemain, regarde ses visages, puis tu vas voir que son visage a changé. Il y a une petite inquiétude, c'est fatigué. Avant, c'était pire que ça, parce qu'avant, on était responsable de nos rêves, même tout chose. Tu étais responsable de tes rêves. Là, aujourd'hui, les gens sont un petit peu plus avertis. Mais sais-tu que quand tu commences à être responsable de tes rêves, retournons 20 ans, 25 ans, quand tu es une sœur, puis tu commences à être responsable de tes rêves, puis tu es un frère, puis tu es un frère, tu rêves comme tout le monde, puis t'en rêves, tu poses dans un club, comment c'est jamais été, tu sais qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Quand tu te lèves le lendemain, tu arrives, tu fais ta messe, tu commences à avoir le corps croche. Problème d'identité. Ah, c'est extrêmement important que l'homme qui va vers le qui passe du mental au surmental vers le supramental, c'est très important pour cet homme qu'il comprenne qu'il ne peut pas se payer le luxe d'avoir un problème d'identité. Moi, je le fais avec vous autres dans les séminaires, je vous lance la balle. Des fois, je suis un petit peu raide, mais il faut que je le fasse. Mais c'est important que les gens en arrivent une fois pour toutes à cesser de souffrir d'eux-mêmes, matériellement ou spirituellement. Puis, naturellement, à cause du climat dans lequel on est, C'est pas tellement sur le plan matériel qu'on souffre rendu à un certain moment d'évolution, c'est sur le plan spirituel. La crise d'identité de l'homme va passer du plan de l'expérience matérielle psychologique au plan de l'expérience spirituelle. Et lorsque l'homme commence à rentrer dans la phase de la crise d'identité sur le plan spirituel, ça commence à être grave. Parce que d'abord, si vous souffrez d'une crise spirituelle d'identité, à un certain moment, quand vous allez être prêt à passer du mental, de l'émotif inférieur ou surmental ou supramental, qu'eux autres en haut vont tous vous mettre la batterie à terre, à ce moment-là, si vous avez une crise d'identité spirituelle, vous allez être pris, emprisonné, et vous allez souffrir de la dualité, parce que quand les forces de la lumière rentrent dans les corps de l'homme, ils détruisent la dualité dans l'homme. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'intelligence cosmique? C'est la destruction de la dualité dans l'homme, au niveau émotionnel, au niveau mental. La lumière ne peut pas descendre dans l'homme s'il y a dans l'homme de la dualité. Alors, pour descendre, elle détruit la dualité. Plus elle descend, plus elle fait vibrer les corps, plus il y a de dualité. Ceux qui se plaignent dernièrement là, que le mental, ça commence à fonctionner à 200 000 à l'heure. Avant, c'était à 100 000 à l'heure, puis avant, c'était à 20 000 à l'heure, puis avant, c'était à 10 000 à l'heure. Là, ils commencent à percevoir que là, c'est 200 000 à l'heure, là, ça n'arrête pas dans ce matin. C'est la destruction de la dualité dans le mental. Jusqu'à temps que ça soit clair et net. Après ça, il n'y a plus rien. Le signe de l'intelligence. Et il y a un rapport direct entre la crise d'identité spirituelle, qui devient extrêmement aiguë à ce moment-là, et la pénétration de la lumière dans le mental de l'homme. C'est pour ça que je suggère à l'homme de bien comprendre l'importance de commencer à ne pas se voir petit. De commencer à ne pas se douter. Pour amoindrir cette crise d'identité spirituelle. Quand je dis que l'homme passera du supramental tenu, je dis tenu, quand tu rentres dans le supramental, tu es tenu, tu n'as pas besoin de vêtements, parce que tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de problème d'identité. Mais avant de rentrer dans le supramental, tu as des vêtements. Tu es un rose croix, tu es un ci, tu es un ça, tu es un bon catholique, tu es un bon, tu es quelque chose. Mais quand tu rentres dans le supramental, tu n'as plus de vêtements. C'est la lumière. Si on parle du phénomène d'identité, c'est tellement vaste le phénomène d'identité. On en parle pour éclairer l'esprit de l'homme, afin que l'esprit de l'homme ne se soumette plus à l'anxiété qui est régie par cette identité. La crise d'identité donne naissance à une anxiété, que ce soit une anxiété psychologique parce que vous êtes inconscient, ou que ce soit une anxiété spirituelle parce que vous vous conscientisez. C'est une anxiété quand même. Mais il n'y a pas de différence devant la lumière entre l'anxiété psychologique et l'anxiété spirituelle. Parce que c'est pas la spiritualité, le mouvement de la spiritualité dans l'homme, c'est essentiel, c'est normal. Le mouvement du mental vers le surmental crée automatiquement un ajustement du corps astral, change sa vibration, élève le mental. Mais c'est une période de transition. Il faut que les gens réalisent que c'est une période de transition, ce n'est pas final. La spiritualité, c'est pas finalisant. Ça nous a été prêché comme étant finalisant parce que ça faisait partie de l'évolution. Mais on rentre dans l'évolution. Dans l'évolution, tout ce qui a été dit avant, ça ne vaut plus rien. Parce que ça l'a servi avant. Alors, l'homme, lui, avec sa crise d'identité, doit se soumettre à lui-même. À lui-même. Et plus il se soumet à lui-même, plus il vit lui-même, plus il est lui-même, plus il se rend compte que l'intelligence est en lui, et que l'intelligence est créative en lui, et que l'intelligence détruit la forteresse de l'identité. À ce moment-là, l'homme commence à respirer, à être de plus en plus libre, dans le sens qui convient à la nature même de cette définition sur le plan supramental.